Diffonde. Salon. 89. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. François Landry vient nous parler de politique fédérale. Dans la chronique technologique CNX, on fait le tour du net. Et plusieurs nouveautés musicales. C'est un Assemblage requis tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine d'Assemblage requis. Mon nom est Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut, Matt. Salut, Ki. Pas bien? Super, et toi? Oui, t'as passé une belle fin de semaine. Mais oui, mais enfin de retour, assez fou. J'avais hâte de recommencer, moi, Assemblage requis, une autre belle semaine qui commence. Ben oui. On va avoir plein de bonnes choses aujourd'hui. On va recevoir François Landry qui va nous parler encore un petit peu de politique fédérale comme il le fait à chaque semaine. Ça va être super intéressant, ça. Et on va aussi avoir une autre nouvelle technologique, une autre nouvelle capsule technologique CNX dans à peu près 20 minutes. Et là, on va faire un tour de l'Internet, les différents Internets. Et aussi aujourd'hui dans l'émission, j'ai quelques nouveautés musicales pour toi et pour les auditeurs. Nouvelle pièce de Navet Confit, son prochain album qui va sortir la semaine prochaine. J'ai aussi nouveau Fred Fortin, puis des nouvelles sur Land of Talk, Winter Gloves et Hot Panda. Tout ça aujourd'hui. Et on va écouter aussi plein de bonne musique du palmarès et d'ailleurs, quelques classiques, quelques affaires drôles et le fun. Ça résume bien l'émission d'aujourd'hui et la semaine et l'émission en tant que telle, et toi et moi, et vous peut-être même. Ça vous décrit bien, je dirais. Tout ça et plus. All that and more coming up. On va commencer en musique avec la formation Elephantine. Oui, la formation Elephantine qui ont une pièce dans le palmarès, une clope, un café, mais c'est pas celle-là qu'on va écouter. On va plutôt aller écouter la pièce H2O. C'est ma préférée sur l'album. Elle est vraiment très bonne. Donc on l'écoute, Elephantine, à Assemblage requis. Jusqu'à 17h. Ah, Party People du groupe Winter Gloves, c'est une des très bonnes pièces en spectacle quand ils font des spectacles. Parce que tu sais, Mathieu, j'étais pas là vendredi passé pour les palmarès, animer les palmarès seul. Est-ce que t'es allé voir Winter Gloves sans moi? Ben oui, je suis allé voir Winter Gloves parce que je suis allé au festival Envol et Macadam et Winter Gloves faisait partie de la programmation vendredi soir. Vraiment un très très bon spectacle. Mais à chaque fois que je vois Winter Gloves, c'est à date, là, je les ai vus plusieurs fois, c'était soit pour un lancement ou dans des festivals. Donc, toujours des sets de 30-40 minutes. Je reste toujours un peu sur ma faim. J'ai hâte de voir vraiment un spectacle complet d'eux, mais en même temps, ils n'ont pas énormément de matériel non plus. Winter Gloves. C'est pas un très long album, en tout cas. Ils ont un court album de 10 pièces. Ils ont un EP qui avait fait avant, un genre de démo, mais dont plusieurs pièces se retrouvent sur cet album-là déjà, donc il n'y a pas beaucoup de pièces. Mais ça va changer prochainement parce que j'ai des nouvelles concernant Winter Gloves qui ont annoncé sur scène vendredi dernier. Un album de remix de leurs pièces qu'ils ont fait eux-mêmes. J'imagine qu'ils ont fait ça parce que justement, ils avaient besoin de plus de matériel dans leur spectacle. Puis ils en ont fait quelques-unes. Ils ont fait une pièce remixée de cet album-là. C'est vraiment bon. C'est sûr que c'est plus dansant. C'est le remix. C'est un petit peu moins. C'est moins velouté, je dirais. C'est ça. Je pense que j'aime vraiment mieux l'original. J'ai pas été entièrement convaincu. Mais en tout cas, ils vont faire un album complet de pièces remixées, de leurs propres pièces remixées. Ça va sortir avant les fêtes. La date précise n'est pas annoncée encore. Et ça, c'est pour nous faire patienter en attendant un album complet qui va sortir dans l'année 2010. J'ai hâte d'entendre ça. C'est certainement un de nos groupes préférés ici à Assemblage. Donc. Oui, puis on n'est pas les seuls parce que si on regarde leur calendrier, leur agenda, présentement, c'est assez loadé. Ils jouent partout au travers des États-Unis. Ils ont quand même beaucoup de succès, ce groupe Winter Gloves. C'est un groupe de Montréal, hein, en passant. T'es chanceux de les avoir vus. Moi, j'étais là vendredi puis je te détestais avec une haine des plus profondes. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait à me laisser ça? Mais maintenant que je sais que t'étais parti voir Winter Gloves, je t'adule. Idolâtre. Tu m'idoles. T'es un dieu pour moi. Et aussi, c'est cette même soirée, la tête d'affiche de cette soirée de la programmation de Envol et Macadam, c'était The Sounds, que tu connais aussi, le groupe The Sounds. Vraiment un très, très bon spectacle. J'ai été surpris de voir à quel point il y avait de fans de The Sounds au Québec, parce qu'il me semble que je n'ai pas tant entendu, ça joue pas tant sur les radios commerciales de Sounds. En tout cas, je pense, je suis pas non plus un très grand auditeur de ces stations-là, mais vraiment, il y avait, selon l'organisation d'Envol et Macadam, 8000 personnes pour The Sounds. Puis vraiment, tout le monde qui connaissait les paroles, qui trippait au bout, mais c'était vraiment un très, très bon spectacle. Non, c'est cool, puis c'est des groupes qu'on encourage ici à C'est fou, puis qu'on va jouer de plus en plus, puis on va vous les faire connaître, puis vous allez aimer ça, vous allez voir. Oui, assurément, je pense qu'on va pouvoir se payer une petite pièce de Sounds un peu plus tard dans l'émission. D'accord, plus tard aussi dans l'émission, on va faire la petite chronique technologique CNX, c'est vers les 15h20, donc après le prochain bloc, on va faire le tour du net cette semaine. On va parler, entre autres, d'une femme qui cherchait le père de son enfant sur le net. Et on va parler aussi d'une publicité pour Windows 7. C'était pas toi, finalement, le père, non? Non, c'est ça. Merci. Je me suis essayé, mais... En tout cas. Hey, pour tout de suite, on va retourner en musique avec une pièce qui est sur le palmarès. C'est une nouveauté, en fait, la seule nouveauté francophone du palmarès cette semaine. C'est Damien Robitaille et la pièce Homme autonome. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 17h. Et comme ça, je suis devenu un grand.

Vous écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. Thank you. Les incendiaires, menaces digitales, c'est assez incroyable de voir le nombre de mots et d'expressions qu'on peut faire rimer en hal. Ouais, hein? Dans cette pièce, menaces digitales, on l'image parle de... L'image est vraiment là, en tout cas. Tout plein de mots qui riment en hal. Cap canavéral, brutal, digital. Ça commence bien, je trouve. Sexanal. Ouais. À un moment donné, on entend des drôles de choses. Oh, je vous invite à la réécouter une autre fois, à un moment donné. Ouais, vous porterez attention sur le thème. On vous donnera un cue avant. Ouais. Parce que, tu sais, on avait jamais porté beaucoup d'attention sur les paroles comme on le fait là, cette fois-là où on l'a écouté. Puis ouais, c'est rough, finalement. C'est digital. Hein? C'est très digital. Très digital. Hey. OK, bon, donc vous êtes à l'Assemblage Requis, faut le dire, jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. On parle de choses bidons des fois. Oui, et puis avant de continuer, Mathieu, si tu me permets de t'interrompre quelques instants, parce que je veux seulement, parce que c'est maintenant rendu l'habitude à l'émission ici Assemblage Requis, on vous tient au courant de ce qui se passe à la télé. En même temps, pendant que vous écoutez la radio, vous n'êtes pas en train d'écouter la télé, donc vous voulez absolument savoir qu'est-ce qui se passe cette semaine au Feu de l'amour. Vous n'êtes même pas capable de faire deux choses en même temps, moi là. Donc, cette semaine, Mathieu, au Feu de l'amour. Oui, Feu de l'amour. Vas-y. Entre Jack et Phyllis. Puis là, c'est pas mentionné si c'est un homme et une femme. Mais en tout cas, Jack et Phyllis, si vous êtes des habitués des Feux de l'amour, vous savez quoi. Là, de toute façon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Prends pas le monde pour des... Entre Jack et Phyllis, c'est l'amour fou. Noah est triste. Il ne supporte pas de savoir son père en prison. Et Trisha en a marre d'être manipulée par Matt. Bon. Donc, vous êtes au courant. Voilà. C'est fait. Vous voulez renseigner. Vous voilà renseigné. Mathieu, qu'est-ce que tu dis avant que je t'interrompe sauvagement tantôt? Est-ce que j'étais en train de dire quelque chose de pas approprié pour la radio du tout? Peut-être? Non, je sais pas. Ça devait sûrement être très pertinent. Moi, toujours. Non, je disais qu'on va l'entendre du Venice Parietaire, je pense. Oui, OK. On est dû pour. Étant donné qu'on n'entend pas leur magnifique trame sonore présentement derrière nos voix, on va aller écouter une pièce de Venice Parietaire. Ça va être le jour, la nuit, je crois. Tout de suite. Assemblage requis. Jusqu'à 17h. Avec Kiwan et Mathieu et un contenu des plus pertinents. Sans faire pour ça. heat falls to me. Hidden Camera avec la pièce He Falls to Me, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est une nouveauté, on a reçu ça récemment à la station, c'est une nouveauté de l'étiquette Arts and Craft qui nous envoie régulièrement des albums, d'excellents albums, c'est toujours des bons groupes qui produisent cette boîte-là, et puis dernier album qu'on a reçu de Arts and Craft, c'est Hidden Camera, donc le groupe que vous venez d'entendre, très Beatlesque. Hein? Oui, ça rappelle quand même l'époque, ouais. C'est bien. J'aime ça. Donc, c'est The Hidden Cameras. On va en refaire jouer ça, je pense. Ouais, je pense que vous allez en entendre à l'avenir. C'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Et puis, il y a un site web pour les notes d'émission, savoir qu'est-ce qu'il y a joué dedans, qu'est-ce qu'il y a dans les chroniques à venir et des avant-goûts des épisodes qui s'en viennent plus tard dans la semaine. C'est assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com. Plein d'autres choses qui n'ont pas rapport aussi. Aussi, surtout. je dirais. Ouais. Pas mal sur tout ça. Sinon, c'est fou.ca pour nous écouter en direct sur Internet et pour en savoir plus sur toutes les émissions quotidiennes que C'est fou a à vous offrir, c'est-à-dire la pilule du lendemain à 7h, le dîner de con à 11h et Assemblage requis à 15h. On s'en va entendre un nouvel extrait. Oui, j'ai une nouveauté pour vous. C'est tout nouveau. C'est le nouveau matériel de Navet Confi. Il va lancer son troisième album long, son LP3, qui va s'appeler Papier Vampire. Ça sort le 22 septembre en magasin, donc c'est mardi prochain. On va écouter la pièce Le système d'alarme. C'est disponible, vous pouvez la télécharger gratuitement, cette pièce-là, sur le www.gsimusic.com. C'est la boîte, la compagnie de disques de Navet Confi. Donc, gsimusic.com. La pièce s'appelle Les systèmes d'alarme. Je l'ai écoutée quelques fois aujourd'hui, puis on va l'écouter ensemble. Tu pourras me dire ce que tu en penses, Mathieu. Donc, Navet Confi et la pièce Les systèmes d'alarme. L'assemblage requis. Bon, ça. C'est vraiment bon, hein? Hey, moi, je pogne de quoi, sérieusement. T'sais, Navet Confi et le son qu'on est habitué, en tout cas, je ne suis pas un grand connaisseur de Navet Confi, mais il me semble que c'est plus joyeux, plus. Moi, je trouve qu'il retourne un peu à un ancien son. C'est même, oui, plus joyeux, encore plus entraînant que je pense que tout ce qu'il a fait avant. Mais les premiers EP, le premier LP aussi, c'était un son un peu plus vivant quand même que sur LP2. Moi, j'avais un petit peu abandonné, je vais avouer, Navet Confi avec LP2. Je trouvais qu'il était trop lourd, l'album avait beaucoup trop de pièces. Premièrement, je pense que c'était un album CD, double. Ça, avec vraiment beaucoup de pièces. Puis le son était lourd un peu, c'était lourd à écouter, c'était plus sombre aussi dans les thèmes. Puis même... dans le communiqué de presse pour l'annonce du nouvel album, il dit lui-même, sa compagnie dit lui-même, après avoir enfanté d'un obèse de 24 titres, le déconstruit LP2. C'est comme ça qu'il décrit la LP2. Ben, c'est un peu dommage pour eux autres de parler en mal autant que ça, il me semble, de l'album d'avant. Mais je pense qu'ils réalisent un peu que c'est un petit peu trop lourd. Puis là, c'est vraiment plus concis sur le LP3. 13 morceaux qui rapiècent ses influences aux légumes. Donc, je pense que ça va avoir plus de succès. Je pense que le LP3 va ramener Navet Confit à une popularité qui avait commencé à goûter avec LP1. Ouais. J'adore le psychédélique dans la pièce. C'est vraiment... Ouh. Ouais, un petit son psychédélique hein, sur cette pièce-là. Très bon. Très bon. Vous allez en réentendre assurément. Certainement. C'est la fin de la première heure. On se retrouve avec une deuxième et la musique de Hot Springs des Fantômes Dinosaures tantôt. La visite de François Landry aussi dans une vingtaine de minutes. Et des surprises. C'est comme dans... Il n'y aura pas de style là-dedans. T'sais. Ça va être juste des bonbons, des bazooka Joe puis des... Il n'y aura pas de retard. Pas d'affaire plate. C'est pas d'affaire plate. C'est fou, 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure d'assemblage requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Ben moi, c'est Mathieu Plante, juste pour vous dire. Et moi, c'est Kiwan. Et vous êtes qui vous êtes, et c'est ça qui est important dans la vie. Oui, hey, dans la prochaine heure de l'émission, Mathieu, il va avoir, entre autres, j'ai quelques nouveautés encore pour vous. J'ai une nouvelle de Fred Fortin, on va entendre ça dans la prochaine heure. Il va avoir du Hot Panda, des nouvelles de Land of Talk, et quoi d'autre? François Landry qui va nous joindre avec sa chronique politique fédérale dans une vingtaine de minutes. Oui. Ça va être ça. Ça va être une grosse deuxième heure d'assemblage requis. Pour l'instant, en musique, on s'en va entendre un classique des palmarès de C'est fou. Classique des palmarès de C'est fou, donc c'est relatif, on s'entend. Voici Fantôme Dinosaure de Hot Springs. Ah, c'est bon, ça. Vous êtes assemblage requis au 89.1 FM. We'll be right back. partielle. Comme si notre linge s'était enlevé tout seul. Face à face, tout nu dans le salon. À quatre portes, baby, on ouvre la saison. Et on va prendre une fois et deux fois. Oh yeah. Et trois fois et quatre fois. Et c'est un peu encore, va falloir demander du renfort, baby. En ce moment d'inauguration, on le fait dans toutes les pièces de la maison. Mimi Van der Loo et la pièce 4 pattes de leur album Radar. Oui, il faut insister sur le W parce qu'il y en a vraiment un Radar. C'est une lettre très importante dans la vie. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a d'important aussi dans la vie de bien des gens? Quoi, le sport? Le sport, bravo! Hey, c'est un beau travail. Nicolas Ducharme de l'émission L'Inconduite de partie qui a lieu demain matin à 9h est avec nous au téléphone. Salut! Ça va bien, Mathieu? Ça va bien, toi? Ben oui. Dis-nous, écoute, demain, en passant, je trouve tout à toi excellent, les gars. Lâchez pas votre bon travail. Ben merci. Vous aussi, votre beau programme. Votre beau programme. Écoute, demain, l'émission, là, c'était le début de saison de la Ligue d'hockey junior majeure cette fin de semaine. Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. À part de ça, ben comme d'habitude, patriote, football et un peu d'opinion, comme d'habitude. On se fait aller la bouche. Du blabla. On aime ça, des fois. Du blabla. C'est le fun quand que tu nous parles en plus. On dirait que t'es comme dans un gymnase. Fait que c'est... Ça fait sport. Pas loin que ça. Bon. Donc, c'est demain à l'inconduit de partie à 9h. Exactement. Merci, Nicolas. Salut, la prochaine. Au revoir. L'inconduit de partie, c'est demain mardi, 9h. Vous êtes toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu et on accueille comme de par de fait de même, hein? par le fait même, corrige-moi dans mon français, on l'accueille. On va lui dire bonjour. T'es bonjour François-Landry. Salut François. Kiwan, je pense que je vais te parler à toi, t'as plus de français. Je vais fermer mon micro. Moi. C'est bon. François-Landry qui vient de parler de politique comme tous les lundis et mercredis, bienvenue à toi. Ben, merci beaucoup. Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, dis-moi? De la rentrée parlementaire à Ottawa. Ah, squeeze-in. Eh oui, ça vient de sortir. Là, les policiers viennent de sortir de la Chambre des communes à Ottawa. Et la grande question que les journalistes et surtout les auditeurs ici présents se demandent, le gouvernement va-t-il tomber? Il l'a-tu fait? Et on le sait pas. On sait pas encore? On sait pas parce que il y a eu la rentrée, il y a eu le déblatérage habituel, ça se bitch, tout ça. Ils ont parlé de leurs vacances, j'imagine. Ils ont des longues vacances quand même. Non? Ouais. Ça, les traits tirants en dessous des yeux pour plusieurs paraissaient. Non pas pour les vacances, mais pour les négociations de corridors qu'ils se trament présentement à Ottawa, à savoir si le gouvernement va tomber ou pas. Et il y a deux enjeux cette semaine qui peuvent causer la vie dure au gouvernement de Harper. c'est-à-dire dans un premier temps l'assurance-emploi. On en avait discuté à la première ou deuxième émission aussi à C'est fou, que le gouvernement conservateur ne voulait pas toucher à la réforme de l'assurance-emploi. Le NPD lui a dit non, non, on touche à ça. Les libéraux ont dit on touche à ça, le Bloc québécois aussi. Donc l'opposition se liguait contre le gouvernement pour modifier. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait, les libéraux qui ne veulent pas appuyer le gouvernement conservateur, peu importe où il va aller, les bloquistes, qu'eux autres en ont ras-le-bol aussi des conservateurs, et le NPD qui laisse planer le doute à savoir si on appuie ou pas un gouvernement conservateur. Ce dernier a présenté une réforme, une réformette de l'assurance-emploi. Et si on lit entre les lignes, c'est une réforme, ceux qui ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans de leur vie en ayant touché seulement une ou deux fois l'assurance-emploi, donc pas des grands utilisateurs, vont avoir le droit d'avoir, après leur mise à pied dans une usine ou dans une économie fragile comme on la connaît présentement, une prolongation de l'assurance. Présentement, c'est à 5 semaines, ça serait porté à 20 semaines. Donc, c'est quand même 5 mois de plus. Considérable. Ouais. C'est considérable. Mais c'est une mesure temporaire pour des secteurs précis. Ah, donc c'est pas pour tout le monde, ça? C'est pas pour tout le monde. Du tout. Ça touche, selon les lignes du communiqué de presse, ça toucherait 200 000 Canadiens. Mais si on regarde les critères d'admissibilité, ça concernerait l'industrie automobile de l'Ontario seulement. OK. Donc, vous voyez, là, faut lire entre les lignes. Et le Bloc québécois a dit on est totalement en désaccord avec ça. Donc, lui va sûrement s'opposer à moins que le gouvernement mette une amélioration notable là-dessus. Le NPD dit on est favorable parce que c'est ce qu'on demandait. Mais est-ce que Layton va dire ça prend, comme je le disais, une amélioration? On le sait pas. Et Ignatieff lui a dit non, ça marche pas. Ça prend une réforme majeure de l'assurance-emploi. Donc, on vote contre. Mais étant donné que les libéraux veulent aller en élection pour éventuellement reprendre le pouvoir, as-tu l'impression que peu importe ce que le gouvernement Harper aurait proposé, les libéraux auraient dit non, ça marche pas? Si on suit la logique de la Chambre des communes, peu importe ce que Harper propose, Ignatieff va s'opposer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il s'est tellement trop avancé dans ses attaques personnelles contre Harper qu'il ne peut plus reculer. Il a dit on s'en va en élection. Denis Coderre, encore en conférence de presse à 4h-2, a dit on bat le gouvernement sur n'importe quelle question. Donc, il a dit très clairement. Même si c'était pour sauver des petits chiots. C'est pour ça, dans une logique de Chambre des communes, eux autres s'occupent pas de chiots. Donc, oui. Mais peut-être que Denis Coderre voudrait sauver des petits shows, on ne sait pas. Mais et surtout, l'autre sur lequel je vais attirer votre attention, l'autre vote le plus crucial, c'est totalement anecdotique, c'est le crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire. Ça va être une motion qui va être adoptée, qui va être présentée vendredi à la Chambre des communes. Et c'est là-dessus que le gouvernement pourrait tomber parce que l'opposition est totalement contre tel que présenté. C'est une mesure budgétaire. Si le ministre conservateur présente cette simple petite... Ce petit tiret du budget, l'opposition voterait pour. Mais il pourrait l'englober dans une autre, une plus grande généralité du budget, puis là, l'opposition voterait contre. Mais là-dessus, ce que ça accroche, non pas pour les partis d'opposition, mais en tant que citoyen, je vais vous lire en gros ce que ça concerne. Rénovation domiciliaire pour relancer l'économie. Chaque famille a le droit à peu près 1 400 $ de crédit d'impôt pour rénover son logement, sa maison. Donc, c'est bien. Ouais. On félicite ça, tant mieux. On peut pas dire non à ça. Et voilà. Ça, ouais. Mais saviez-vous que les stars en bois fabriqués en Chine et posés par Mathieu Plante, c'est aussi créditable? Les plantes, les vivaces, sont créditables. T'achètes une plante, t'apposes, tu t'en mets dans ta déclaration d'impôt pour recevoir de l'argent du fédéral. OK, donc n'importe qui peut faire n'importe quoi, puis dans le fond, fourrer le système un peu. Et c'est ça. Donc, c'est la politique elle-même qui est pas absurde, mais qui est... qu'il faudrait revoir. Là, comme au Québec, c'est le star n'est pas créditable, mais par contre, la toiture, la fenestration, ton driveway, ton... Puis justement, c'est un bon point. Il me semble qu'on pourrait forcer les gens à acheter québécois, puis ça pourrait, ouais, tu sais, si tu donnes un crédit, si tu achètes québécois... Écologique, canadien, ouais, nord-américain à la limite, ou fabriqué à ou assemblé par le Canada. Pour encourager notre économie. Système, c'est ça le but à la base de donner ce crédit-là, c'est de générer de l'action économique ici. Donc bon, exactement. Donc c'est sur ce petit détail-là que l'opposition pourrait se liguer pour dire non, on n'appuie pas ça, puis c'est totalement absurde de faire ça. Mm-hmm. Et ça coûterait des milliards de dollars pour des stores en bois, là, on s'en... Ouais. Mais c'est pas de la rénovation, ça. C'est pas de la rénovation, c'est vraiment prendre le monde pour des caves. De la décoration. C'est de la décoration, oui. Donc, juste pour vous mentionner rapidement comment pourrait tomber le gouvernement, le jeu d'alliance, qui appuie qui, il y a 308 députés qui siègent à la Chambre des communes. Les conservateurs en détiennent 143. Donc, la majorité absolue en chambre, c'est 155. On s'entend qu'il en manque 12. L'opposition libérale en a 77, NPD 36 et Bloc québécois 48. Et les autres des indépendants, des vacants. Donc, s'il y a une alliance NPD, Parti conservateur, on tombe à 179 sur 155. Donc, ça passe. Une alliance Parti conservateur, Bloc québécois, comme ça s'est régulièrement vu, 191. Et si l'opposition se ligue, ça donne 161 sur 155. Donc, on voit, c'est par la peau des dents. Donc, si toute l'opposition, les trois partis d'opposition se liguent ensemble, le gouvernement peut tomber. Sinon, il y en a un seul parti qui dit « Ah, moi, j'appuie ça », le gouvernement demeure en vie. Mmh. Mais ces jours sont quand même comptés, là. Plusieurs analystes disent qu'il ne passera pas le temps des fêtes. Donc, okay. Mais c'est pas si automatique qu'on pensait, là. Ce ne sera pas nécessairement des élections pour le mois de novembre, comme plusieurs pensaient, là. Si vendredi, ça tombe, parce que les analystes et moi-même, qui n'est pas un analyste, mais un amateur de politique, ouais. Ça pourrait tomber vendredi, parce okay. que Ignatieff a dit « Go, on y va ». Bloc québécois, lui aussi, il est prêt. Sa campagne publicitaire ouais. est faite, des nouvelles affiches bientôt, des messages publicitaires enregistrés. Il ne reste que le NPD. Lui, c'est le plus grand perdant des élections. Même s'il gagne des sièges, c'est le plus grand perdant parce qu'il n'y a pas les finances solides. Au Québec, il n'y a pas encore de base militante récurrente comme les autres grands partis. Donc, ça se pourrait que Jack n'ait pas le goût, lui, là, d'aller en élection. Ça serait ça, simplement une question de mon leadership va être remis en question. S'il fait déclencher des élections et qu'il n'y a pas un super score. Parce que présentement, 36 députés, c'est son plus grand score de l'histoire du NPD. Okay. 36 sur 308. Donc, on s'entend que c'est pas gros, mais s'il fait moins de 36, la tête de l'État ne pourrait être demandée au lendemain des élections. Ouais, le monde pourrait lui en vouloir. Oui, parce que fort. Ça serait peut-être lui qui porterait l'odieux d'avoir déclenché des élections. Mm-hmm. Et est-ce que ça. Personne ne s'étend de porter le fardeau des élections avec plusieurs millions de dollars en jeu, tout frais confondu, là. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que Layton. Il est comme, comment dire, damné s'il le fait pas, tu sais, un peu. Il est condamné. Condamné. Quoi qu'il fasse, il est condamné puis il va être jugé. Hmm. Un peu la même chose. C'est deux politiciens que leur tête, dès le lendemain des élections, pourrait tomber facilement. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Donc, c'est un gros pensez-y bien. Les deux hommes politiques jouent leur carrière présentement. Cette semaine, ils jouent leur carrière politique. C'est assez important. On va tendre l'oreille et attendre le son des têtes qui tombent. Voilà, donc, dès lundi prochain, on pourrait savoir qu'est-ce qu'il y en est. C'est bon, en terminant, moi j'avais une petite question, je te prends comme ça sur le vif, je t'en ai même pas parlé avant, mais élection politique municipale. Oui. En fin de semaine, la mairesse Landry a annoncé qu'elle revenait pas dans la course. Qu'elle se retirait après 15 ans de vie active en politique, oui. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te surprend? Pensais-tu que ça l'avait? Non, elle avait trop de pression pour ça à Shawinigan. Écoute, ça fait des années qu'elle est quand même mairesse. Ça a été une grande mairesse, bonne ou mauvaise, c'est pas à moi de juger, c'est la population de Shawinigan. Elle avait beaucoup de projets, elle a fait beaucoup avancer la cause de Shawinigan, mais la ville est en déclin démographique. Elle peut pas relever la ville sans attirer les jeunes ou sans retenir les jeunes. Et puis là, avec tous les petits scandales qu'il y a eu côté budgétaire, la ville est dans le trou financièrement. Le projet d'aréna qui a coûté plusieurs millions de surplus alors que ça devait être un projet auto-financé. Elle se retire, la pression trop forte. Il y a 5 candidats à la mairie à Shawinigan. On en parlait à toute première émission ici. Ouais. C'était trop fort pour elle. Et puis, plus le temps passait, plus les petits scandales pouvaient sortir. Donc, elle a jugé bon de se retirer avec sagesse. Peut-être pour mieux revenir plus tard, on ne sait jamais. Donc, voilà. Mmh. Donc, parfois, on va souvent s'en reparler cet automne politique. Ah oui, les élections sont déclenchées lundi prochain. Oui. Donc, un mois de course pour le 1er novembre. Ça va être chaud partout dans 1100 municipalités au Québec en même temps. Donc, ça va être quelque chose à suivre. Oui. Parfait, on s'en reparle. Oui, certain. François Landry, on se retrouve mercredi après-midi. Oui, monsieur, pour la rentrée parlementaire à Québec qui aura lieu demain. Donc, mercredi, une analyse de la rentrée, des grands enjeux. Ça se pourrait qu'on s'endorme cette année à l'Assemblée nationale. J'ai bien hâte de voir ça. François Landry, merci. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on devrait sortir une loto. Tu sais, Loto Québec, t'as comme Paris sportif. Là. Tu pourras avoir Paris politique aussi, voir si le gouvernement va tomber. Tu mises là-dessus, tu mets là. Ouais, ça pourrait être pas pire. Un pool, là, carrément un pool c'est politique. Ça. Ouais, c'est ouais. Ça existe, en fait. Ça doit, j'imagine. François Landry, encore une fois, merci beaucoup. On continue, nous, avec la pâtée rose. Oui, la pièce La Marelle. Absolument. C'est bien ça, oui, celle qui est dans le palmarès, on l'adore. La Marelle. Un grand succès, ça, je pense. Un futur classique, comme tu dirais. Ah, moi, je dis ça, moi. OK. Vous êtes à l'Assemblage Rocky. Au 89.1 FM. C'est fou. écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Land of Talk avec la pièce Give Me Back My Heart Attack. C'est extra leur dernier album, Summer Lakes. Mais... Voyons, Kiwan, tu déparles. J'ai vraiment de la misère. c'est extra leur dernier album, Summer Lakes. Mais un prochain album s'en vient. C'est un EP. C'est un espèce de petit... pour nous faire patienter, en fait, en attendant. Un agace. Le prochain album, c'est ça, je n'osais pas dire. Là, c'est un genre de petit agace. Moi, je le dis toujours. Mais c'est ça va sortir le 13 octobre, c'est quand même juste dans un mois. Puis là-dessus, il va y avoir 4 nouvelles chansons de Land of Talk, plus 3 vidéos de pièces qui se retrouvaient sur l'album Summer Lakes.

Fred Fortin et La Merveille Masquée, on rappelle que l'album sort le 29 septembre, c'est Plastrer la Lune. Ouais, c'est ça, finalement, on en a convenu qu'il fallait prononcer le S, là, Plastrer. Ben, c'est tellement plus beau. Ben oui, c'est original, ça, c'est très Fred Fortin. Ouais, vraiment. On va continuer avec la musique de Metric tout de suite, voici Sick Muse. Metric, la pièce Sick Muse, ça a été dans les palmarès, ça, ici. Tu t'en souviens, Mathieu? Hein? Ah, c'est comme si c'était là quelques mois à peine. Tant que Sick Muse était sur les palmarès. Mm. Hey, maintenant, je vais te faire découvrir un petit groupe, Mathieu, en même temps que ouais, je fais des gestes, mime, toi, fais des gestes wow. avec mes bras. Je suis super expressif, je suis super énervé parce que je vais te faire découvrir un groupe que j'ai découvert cette semaine. C'est vraiment très bon. Je sais pas si c'est très connu. En fait, je penserais pas. Tout ce qu'il avait fait avant, c'est un EP qui est un genre de démo qui était sorti en 2007. Ça fait quand même déjà 2 ans. Et depuis, il n'a rien passé. Là, jusqu'à temps qu'ils sortent leur premier album complet, qui est quand même sorti depuis quelques mois. Là. C'est quand même, ça fait presque un an, c'est en février. C'est pas frais, 2009. C'est chaud. C'est hot, hot, hot, hot. Ça, c'est sorti en février 2010. L'album s'appelle Volcano, Bloody Volcano. Et c'est vraiment très, très bon. On va écouter la pièce Cold Hands, Chapped Lips. C'est le groupe, est-ce que j'ai dit qu'il s'appelait Hot Panda? Ouais, c'est ça, je l'ai dit. Ouais, moi, des pandas chauds, c'est tout le temps. Donc, c'est Hot Panda, c'est un groupe de Edmonton, yeah, en Alberta. Et on écoute la pièce Cold Hands, Chapped Lips. Vous êtes à Assemblage Requis. Au 89.1 FM. C'est vrai. Shaking hands, yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Now she's dressing out. Au bijou et la pièce Black Ice, et ça monte ça dans le palmarès, c'est rendu en position numéro 3. On l'aime beaucoup la pièce et ça paraît, ça a des résultats dans les palmarès. Juste avant ça, c'était ma découverte que je vous partageais, le groupe Hot Panda avec la pièce Cold Hands, Chapped Lips. Et je voulais vous dire, j'ai oublié de le dire tantôt, mais Hot Panda sont en spectacle au Québec cette semaine. Ils vont être à Québec, c'est le plus proche d'ici de Trois-Rivières, c'est à la salle Le Cercle à Québec, samedi le 19 septembre. Donc voilà pour Hot Panda. Très bon choix, j'espère que tu vas m'en faire réentendre. Ah oui, c'est sûr qu'on va en faire jouer encore du Hot Panda parce que c'est vraiment très très bon, là, j'adore ça. C'est chaud! C'est très chaud, c'est hot! Nous, c'est la fin de cette édition d'Assemblage Requis. Merci d'avoir été à l'écoute avec Kiwan et Mathieu, c'est nous. L'émission qui suit à 17h, c'est les filles de Donne-moi goût et qui recommence avec une nouvelle saison. Oui, c'est la première de leur nouvelle saison. Demain, à l'émission, on va recevoir Simon Fitzbé pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead. On va aussi écouter quelques nouveautés musicales. Et il va y avoir la chronique technologique CNX. C'est demain. Alors, on se dit à demain, 15h, pour Assemblage Requis. Bonne soirée, Kiwan. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée, tout le monde. Bye. De qui je suis, de ce que je dis, de ce que je vis, un cafard.